Léonce Vitariho. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Donc voici d'abord les principales articulations. Le parti FNL demande à la communauté internationale de s'impliquer activement en vue de rétablir les relations entre le Burundi et son voisin le Rwanda. Le président de ce parti réagit après que deux Burundais aient été tués sur le sol rwandais alors qu'ils se rendaient clandestinement dans ce pays pour vendre leurs produits agricoles. Et d'un autre côté, le parti UPRONA, non reconnu par le ministère de l'Intérieur, trouve qu'il n'y a pas de bénéfice que des citoyens de l'un des deux pays soient tués sur le sol de l'autre. 7 personnes ont été tuées hier vendredi dans un accident de roulage qui a eu lieu sur la route Bujumbura-Gitega, précisément à Guéta. Arthur Kavaouchi nous fera le point dans ce journal. 8 personnes ont été tuées ces deux derniers mois en province de Karoussi. Des conflits fonciers seraient à l'origine de ces tueries. Et puis, les étudiants de l'Institut d'éducation physique et des sports à l'Université du Burundi menacent d'entamer un mouvement de grève la semaine prochaine. Ils protestaient contre la mesure leur interdisant de prester dans le domaine de l'enseignement. Voilà pour le sommaire. Le parti FNL se dit préoccupé par les relations diplomatiques entre le Burundi et le Rwanda qui se détériorent au jour le jour. Ceci est dit par Jacques Bigirimana, président de ce parti, après que deux personnes aient été tuées sur le sol rwandais lorsqu'elles s'y rendaient en clandestinité pour vendre leur production agricole. Jacques Bigirimana demande une intervention des nations pour que ces relations burundo-rwandaises soient au bon fixe. Suivez Jacques Bigirimana. Tout d'abord, le parti FNL déplore énergiquement la mort de ces deux Burundais survenus sur la frontière de Rouen. Et nous sommes convaincus que ces gens-là qui ont été assassinés avaient franchi les frontières clandestinement. Mais cela ne méritait pas sanction de mort. Il y a des lois, que ce soit la loi internationale qui régit les libertés humaines, que ce soit la loi qui régit notre pays, même si la loi qui régit le Rwanda, nulle part on peut lire une clause qui autorise des assassinats pareils. Cela, c'est un signe très éloquent, un signe matériel même, qui prouve le degré de tension qui existe entre le Burundi et le Rwanda. C'est pourquoi, alors je réitère, je m'adresse toujours à l'ONU, au secrétaire général des Nations Unies, au président de la Commission de l'Union africaine et au président en exercice de l'Union africaine, au président en exercice de l'East African Community, et de l'Union européenne, pour qu'ensemble, ils s'investissent rapidement pour trouver des voies de sortie de cette impasse politique, politico-diplomatique, qui règne entre nos deux pays. Si cela n'est pas fait immédiatement, le parti FNL va conclure que la communauté internationale, les Nations Unies, l'Union africaine, l'EAC, l'Union européenne, n'ont aucun amour envers le peuple burundais, et envers le peuple rwandais. Il n'y a pas de bénéfice ni pour le Burundi ni pour le Rwanda que des personnes puissent mourir sur le territoire de l'un ou l'autre des deux pays frères. Cela est dit par le porte-parole de l'UPRONA, non reconnu par le ministère de l'Intérieur. Tassien Siomana indique que les relations entre les deux pays voisins sont toujours entretenues par le principe de bon voisinage, de dialogue et d'échange d'informations à travers les provinces frontalières. Suivez Tassien Siomana, joint au téléphone par Yves Hunziman. Comme vous le savez, ça fait un beau bout de temps que les institutions de Bujumbura ont pris l'option de ternir l'image des autorités rwandaises comme quoi elles seraient à l'origine de la crise burundo-burundaise, ce qui est à l'égard de l'UPRONA un mensonge grotesque. Donc vous comprenez que cela ne permet pas la détente de l'atmosphère vis-à-vis des autorités, que ce soit politiques ou militaires, surtout celles qui gardent les frontières. L'autre aspect, c'est que les mesures que les institutions de Bujumbura ont prises d'empêcher nos populations d'aller vendre leurs produits vivriers au-delà des frontières burundaises contribuent en fait à leur appauvrissement. Parce que quand vous parlez des aubergines, quand vous parlez des tomates, le gros des ventes est destiné aux Rwandais. Donc si les Burundais ne vendent plus ces produits au Rwanda, vous remarquez que ça constitue une perte qui est difficile à combler parce que le marché burundais ne consomment pas beaucoup de tomates parce qu'au Rwanda, apparemment, il y a des usines qui fabriquent des jus ou d'autres produits transformés, ce qui permettait aux gens de Cibitoke d'exporter beaucoup de tomates et beaucoup d'aubergines. Et ceci doit préoccuper justement les autorités de nos deux pays parce qu'elles doivent engager un dialogue franc et sincère. Et les autorités frontalières doivent se rendre visite réciproquement pour essayer de détendre l'atmosphère et aussi surtout de voir comment permettre que les échanges commerciaux transfrontaliers puissent continuer dans l'intérêt de nos populations respectives. Sinon, il y en a qui vont effectivement prendre le risque de violer ces mesures et de violer aussi les aires de non-perméabilité des frontières avec le risque que cela comporte, comme nous venons de le vivre avec l'assassinat de ces deux personnes. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page sécurité pour vous dire qu'un corps sans vie d'un bébé emballé dans un sachet a été découvert ce samedi matin dans un caniveau de la 10e avenue, séparant les quartiers Swahili et Gihwanya de la ville de Rumonge. La police de Rumonge dit s'activer en vue de tenter de retrouver l'auteur du crime et le traduire en justice. Sept personnes, dont cinq hommes et deux enfants, sont mortes suite à un accident survenu ce vendredi dans la commune Guiheta de la province Gitega. La police indique qu'une voiture de type Probox qui venait de Bujumbura a tenté de dépasser un autre véhicule dans un tournant se trouvant là où on appelle communément chez Barajingitwa et est entré dans les pneus d'un camion de la société Sogea Satom. Les détails avec Arthur Kavaouchi. En arrivant au lieu de l'accident, la police, la voiture de type Probox est coincée dans les pneus du camion de la Sogea Satom et a été complètement endommagée. Ce lieu d'accident est dans un tournant se trouvant là où on appelle chez Barajingitwa, où il y a des bistrots. En face se trouve un centre de santé de Guiheta, tout près de là où il y a la grotte de la Vierge Marie. Selon la police, après la saisie du PV de constat, ils ont vu que c'est la voiture Probox qui a commis la faute car elle a dépassé un autre véhicule dans un tournant et est surgi sur le camion de la Sogea Satom qui se rendait à Bujumbura puis est entré tout droit dans ses pneus. Ce camion l'a emporté jusqu'au bord de la route et cette voiture a été littéralement écrasée, emportant cinq hommes et deux enfants qui étaient à bord. Une autre chose que déplore la police, excepté le fait que cette voiture avait commis la faute, le chauffeur transportait beaucoup de personnes. À la police, on fait savoir aussi que parmi les grandes causes des accidents, il y a excès de vitesse ainsi que des dépassements dans les tournants. Pour les habitants de cette localité, ce tournant est très dangereux et si c'est possible, l'administration devrait songer à l'implantation des dodanes de part et d'autre afin que les véhicules et surtout ceux de transport puissent diminuer la vitesse. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur. 8 personnes ont été tuées ces deux derniers mois dans la province de Karoussi et plus particulièrement dans les communes de Bouhiga et Bougenyouzi. Les administrateurs de ces deux communes et la police expliquent que les conflits fonciers sont à l'origine de ces tueries. Le point avec Blaise Pascal Kararoumié. Parmi les 8 personnes tuées ces deux derniers mois dans la province de Karoussi, 7 ont été tuées pendant le seul mois d'août passé. 5 ont été assassinées dans la commune de Bouhiga et 2 autres à Bougenyouzi, dont le cas d'un certain Jean Seka, qui a été tué dans la nuit de son mardi vers mercredi par la population et complètement brûlé dans un milieu public à la colline Mugoboka, sous colline Narika. Celui-ci a été tué après un séjour d'un mois qu'il venait de passer à la police au chef-lieu de la commune Bougenyouzi après qu'il ait failli être tué par la population qui l'accusait de sorcellerie. L'administrateur communal de Bouhiga et celui de Bougenyouzi indique que les conflits fonciers et les croyances superstitieuses sont à l'origine de ces assassinats. Il demande à la population de ces deux communes d'en découdre avec de telles croyances et d'éviter la justice populaire. La plupart des fois, les responsables de ces assassinats ne sont pas arrêtés. Les responsables de la police dans ces communes indiquent qu'ils constatent que dans la plupart des fois, les coupables prennent fuite. Ils parlent de l'exemple du cas de la sous-colline Narika où ils ont trouvé que tous les hommes avaient pris fuite. Au niveau de la police, on indique que déjà 5 personnes sont déjà arrêtées pour ces cas d'assassinat, signala que le procès d'un parmi ces cinq a été déjà rendu. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumier pour Radio Isanganiro. Parlons éducation pour vous dire que les étudiants de l'Institut d'éducation physique et des sports menacent d'entamer un mouvement de grève depuis mercredi de la semaine prochaine si la mesure qui leur empêche de prester dans le domaine de l'enseignement n'est pas levée. Ils disent que cette mesure se trouve dans une correspondance qui a été envoyée à tous les directeurs provinciaux par le ministère de l'Enseignement supérieur et qui leur interdit de ne recruter que les lauréats de l'École normale supérieure, de l'Institut de pédagogie appliquée et une partie de ceux de la faculté de psychologie. Ils soulignent qu'ils avaient déjà soumis cette question à l'autorité des canaux et rectorales, mais sans succès. Suivez Serge Miboulo, l'un des représentants des étudiants à l'IEPS. Nos inquiétudes sont consécutives à la correspondance que le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a adressée aux directeurs provinciaux de l'enseignement, leur demandant de ne recruter que les lauréats de l'ENES, les lauréats de l'IPEA et une partie des lauréats de la psychologie, des sciences de l'éducation, en omettant bien sûr l'IEPS sur cette liste, alors que la tradition de l'IEPS est de former des enseignants qui vont exercer leur métier dans des écoles secondaires, comme c'est remarquable et vérifiable à travers l'offre de formation de l'IEPS. Après avoir eu des nouvelles sur cette lettre par les lauréats de l'IEPS qui avaient déjà terminé avant, nos aînés, nous nous sommes précipités pour adresser la question au doyen de l'Institut et lui, il a rapidement réagi et a adressé une correspondance de plaidoyer au recteur et ce dernier a écrit une lettre au ministre de l'Éducation pour lui annoncer à propos de cette question. Mais jusqu'à présent, nous avons attendu la réponse, mais en vain. Nous n'avons pas pu joindre le ministère de l'Enseignement supérieur pour donner des éclaircissements à ce sujet. Cinq personnes sont les nouveaux locataires du cachot de police à Mugamba, en province de Bururi, depuis l'après-midi de ce vendredi. Quatre sont accusés d'avoir mis le feu au boisement de Mukike, situé à cheval entre les communes Mukike et Mugongomanga. La cinquième personne a été arrêtée à Nyagasasa pour l'affaire d'assassinat d'une fille de la localité samedi de la semaine dernière. La police à Bururi confirme ces arrestations et explique que c'est pour des raisons d'enquête. Et puis, quatre moteurs de bateaux de pêche ont été volés à des pêcheurs burundais dans les eaux du lac Tanganyika, côté Kagongo, la nuit de ce vendredi. Des bandits armés de deux fusils se sont repliés vers la République démocratique du Congo sans être identifiés. Le président de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi interpelle les autorités burundaises à collaborer avec leurs homologues congolais pour tenter de récupérer les biens volés. Reportage signé Jean-Pierre Misago. Selon certains des victimes de ce banditisme, trois voleurs masqués, armés de deux fusils de type Kalachnikov et à bord d'un bateau à moteur, ont surgi vers 23h30 de ce vendredi dans les eaux du lac Tanganyika côté Kagongo. À partir de ce moment, plusieurs appels de demande de secours des pêcheurs burundais ont été envoyés. Les militaires de la marine burundaise positionnés à Kagongo et à Magara sont vite intervenus sans pour autant récupérer 4 moteurs, 3 batteries, 10 téléphones portables et 40 litres d'essence déjà volés. Les bandits ont en effet facilement regagné la partie congolaise car les pêcheurs burundais étaient à la limite des eaux congolaises selon la police à Rumonge. Depuis juin de cette année, cela fait 19 moteurs volés et aucun n'a déjà pu être récupéré. Gabriel Butoyi, président de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi, dit que 4 présumés voleurs de moteurs ont été dernièrement arrêtés en Boko en République démocratique du Congo. Seulement l'un d'eux a été ramené au Burundi et est détenu à la prison centrale de Rumonge. Les 3 autres restent encore détenus à Uvira. Et Gabriel Butoyi voudrait que le commandant de la première région militaire collabore avec son homologue congolais pour les rapatrier et les traduire en justice. Jean-Pierre Misago de Firumonge, Radio Isanganiro. Kisanganiro. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Séraphine et à Kizimana pour la collaboration technique. Et gardez l'écoute, dans quelques instants, je serai avec Francine Ndéokoubgayo pour vous présenter la revue de presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. Nous ouvrons cette revue de presse par l'éditorial de l'hebdomadaire Iwachu qui revient sur le récent rapport de la Commission nationale de dialogue inter-burundais. Il a comme titre un rapport qui dérange. Entre autres éléments du rapport qui méritent attention selon notre confrère, la grande majorité des participants au dialogue veulent que le président de la République puisse exercer plus de deux mandats. La grande majorité des participants veulent également que la Constitution prime sur l'accord d'Arusha. Tous les participants veulent que le Sénat ne comprenne pas d'anciens présidents de la République qui n'ont pas été élus pour cette assemblée. À tort ou à raison, poursuit Iwachu, l'opposition radicale s'est insurgée contre son contenu et l'hebdomadaire s'interroge. Comment peut-on qualifier la grande majorité alors qu'il n'y a pas d'échantillonnage sélectionné de façon scientifique, encore que le grand travail reste à faire? La population est-elle vraiment sensibilisée sur le contenu de l'accord d'Arusha et de la Constitution pour en faire une évaluation critique? Que se passerait-il si la population que la Commission va rencontrer dans l'avenir donnait des avis contraires à ses propos? Iwachu est également revenu sur les Jeux de Rio. Le Burundi a fait bonne figure, écrit-il. La délégation burundaise a en effet récolté une médaille d'argent grâce à l'athlète Francine Niyonsaba, une récompense qu'il a consacrée deuxième athlète burundais médaillé olympique 20 ans après Venuste Niyongabo à Atlanta. L'agence burundaise de presse écrit sur une grogne persistante autour du redéploiement du personnel enseignant dans la province de Bujumbura. Des enseignants désespèrent. Ils disent que cette opération est un moyen indirect de les chasser de leur emploi. Le directeur provincial de l'enseignement dit de son côté que le redéploiement a suivi des critères fixés par le ministère de tutelle, à savoir l'ancienneté, ne pas être titulaire de classe ou du domaine, l'état civil, l'état de santé de l'enseignant et le genre. Le journal La Voix de l'enseignant, lui, parle d'un redéploiement qui disloque les familles. Alors que le gouvernement se dit satisfait du travail de réaffectation des enseignants du primaire et du secondaire, ceux qui ont été touchés par cette mesure font savoir que l'intégrité de leur famille est mise en danger. Plus de 3400, c'est le surplus des enseignants dégagés par la commission mise en place et par le ministère de l'Éducation nationale pour procéder à l'analyse de la charge horaire des enseignants afin de muter ceux qui ne totalisent pas un volume horaire de 18 heures par semaine. Selon les autorités de ce ministère, ce travail a été fait pour pallier au manque des enseignants dans certaines localités du pays, alors que dans les villes et les centres urbains, il se remarque un personnel pléthorique. Revue de la presse. Entrepreneur en herbe ou chômeur potentiel? C'est ici une interrogation du magazine Burundi Echo. Il revient sur les premiers lauréats de l'école fondamentale qui doivent bientôt s'auto-prendre en charge. Un bon départ pour l'hebdomadaire au moment où être embauché par les institutions étatiques n'est plus chose facile. Par ailleurs, poursuit-il, c'est une bonne planification lorsqu'on apprend à se prendre en charge dès le jeune âge. Cependant, l'incertitude toque à la porte de Nord-Calais si on se réfère à l'acquisition des compétences. Ceux qui suivent de près cette situation témoignent que la manière d'acquérir les compétences chez les apprenants va décrescendo au fur du temps. Pour ce, renchérit le journal, ces recalés ont besoin d'un encadrement pour affronter la vie active qui consiste à les regrouper en associations. Comme cela, non seulement leur gestion sera facile, mais aussi ils seront obligés de se conformer à la réglementation de l'association. Sinon, ils ne seront pas des entrepreneurs comme tels. Quelque part où le riz répudie les femmes. Ici, l'agence Net Presse parle des provinces du Nord-Ouest. Pour elle, le constat est que lors de la récolte du riz, Un bon nombre de chefs de ménage répudient leurs femmes pour se remarier avec les jeunes filles dans la fleur de l'âge et surtout les lauréates des formations pédagogiques, abandonnant ainsi les femmes paysannes. Quelques interlocuteurs en commune et Mogui de la province Chibitoke parlent d'une période d'été qui broie les femmes de cette localité. Mais l'inverse est aussi observable selon encore l'agence. Des femmes chassent leurs maris ou se remarient avec de jeunes garçons. La vente du riz et de vin de banane, surtout en commune Lugombo, pousse des hommes à tromper de petites filles qui se marient précocement. Un cas d'illustration est qu'en commune Mogui, un chef de ménage s'est marié avec 40 femmes. Ainsi s'achève cette revue de presse qui vous a été présentée par Léonce Vitaligo et Francine Ndiokubgayo. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. À la prochaine. Revue de la presse.